Musique très douce. La pensée est le châtiment de la matière première. Corps, je te nomme ici le châtiment de la pensée. Hanté par tous ces mots et images, le châtiment de la pensée. Silence. Ah.